J'ai vu notre avenir à tous, et il s'appelle Cité Carter. Je t'arrête tout de suite, Nino. La Cité Carter, c'est pas un squat, c'est un monstre. Tout d'abord, on développe notre marché, ensuite on trust. Voilà le plan d'approche. Le rime sont des bastos, illégale musique. J'envoie mes rafales, comme chez Uzi. J'assure mon compte en direct de l'usine. Personnel en gratte à Veni, Vidi, Vici. Mes rimes de la dope, illégal musique. Reprends la Cité Carter, New Jack City. Cash money, non mec, juste un hobby. Mais à cool pas si la cam te bousille. Kick la rime, lourd le beat. J'chronique la ville, les rues de ma ville hors norme. Dopé aux hormones, hip hop magnum. Mental, hold up comme à l'époque. Je représente pour personne en dehors de mon équipe. Montpel City, 20 piges que les victimes cherchent leur style entre Marseille et Paname, mon son de paria. Garde le cap depuis le départ, sans faiblir, sans pognon, sans distrib. Y'a que le taf qui paye, fuck le rap de merde. C'est hardcore ou bien, des gens morts ou rien. Éternel frangin, dernier à prendre le train. J'pilote la loco depuis bientôt 20. Laisse les rookies sur le quai, monster beat sur le bonnet. Tympan percé par la bombe estampillée, déjà moelleté. Danger, danger, toujours au P. J'viens déranger, microphone chargé. MC, tu peux te planquer. Les rimes sont des bastos, illégale musique. J'envoie mes rafales comme chez Uzi. J'assure mon compte en direct de l'usine. Personnel en gratte à Veni, Vidi, Vici. Mes rimes de la dope, illégal musique. Reprends la Cité Carter, New Jack City. Cash money, non mec, juste un hobby. Mais à cool pas si la cam te bousille. J'aiguise la rime, bouge quand j'arrive. Allume l'ampli, fuck l'industrie, toute leur connerie. On s'en bat les couilles de Paris. C'est lourd, je sais, c'est pas le premier essai. Circuler, je suis pressé. Trop de papier à froisser. Approcher, écouter, partager ou boycotter. Peu importe, je compte pas sur le rap pour manger. Je rentre dans le club ou dans le pub, y'a danger. ZG ne picole pas donc toujours au P. Rationnel pour boxer un type. Regarde de travers et c'est parti. Irrationnel et la démarche artistique. Vers professionnel reste ma putain de musique. Je cultive les paradoxes comme à l'époque la 8. Je rentre en studio comme en cuisine. Car mon studio est ma cuisine. Productif comme à l'usine. Je vous invite à partager ma folie, ma phobie. La déchéance du game qui engendre plus de bassesse que Koh-Lanta ou Secret Story. Les rimes sont des bastos, illégale musique. J'envoie mes rafales comme chez Uzi. J'assure mon compte en direct de l'usine. Personnel non grata, Veni, Vidi, Vici. Mes rimes de la dope, illégale musique. Reprends la Cité Carter, New Jack City. Cash money, non mec, juste un hobby. Mais à cool pas si la cam te bousille. On va arrêter les conneries, petit postillon. Tu vas repartir chez ton patron Don Armateur. Nous, on renégocie pas. Rien. Les Cash Money Brothers seront indépendants maintenant.